sourit, que même ton ombre elle suit. Il te manque des doigts aux mains pour compter tous tes copains. Il te manque des doigts aux mains pour compter tous tes copains. Quand les secondes se changent en minutes qui s'enlisent, quand les heures se font grises et que les jours épuisent, quand les ennuis sont là qu'à ta porte ils se pressent. T'as bien trop de doigts aux mains pour compter tous tes copains. T'as bien trop de doigts aux mains pour compter tous tes copains. Comme les ennuis s'invitent à votre table quand y'en a pas besoin. Ouais, mais les ennuis, parfois ça préserve de quoi. C'est meilleur qu'aux amis et c'est déjà pas si mal. Les ennuis, ça préserve, oh, de ces meilleurs faux amis. Quelquefois ça fait tomber les masques. Derrière certains sourires, y'a des dents qui menacent. Les ennuis, quelquefois ça aide à voir plus clair sur ce qui restait caché depuis de longues années. Les ennuis, parfois, ça tue les amitiés. Tout va bien.